Et donc, bah, entre 2 et 3 000 personnes pour Nantes, c'est pas mal. C'est à peu près ce qu'on a connu bah, aussi au plus fort du mouvement Gilets jaunes il y a un an, quoi, finalement. C'était à peu près ça, les effectifs. Donc, une manif quand même assez belle, quoi, enfin, avec pas mal de monde. Et on avait aussi face à nous bon, un dispositif policier qui était quand même très répressif, ça, comme d'habitude, il faut le dire quand même. Mais par rapport à d'autres manifs qu'on a pu connaître ces dernières années ou juste tout simplement le 14 septembre, bon, le dispositif policier était quand même moindre, quoi. On n'avait pas les canons à eau, on n'avait pas l'hélicoptère. On avait une BAC en nombre, ça c'est sûr. On avait des flics, des GM un peu partout. Mais bon, on avait quand même un dispositif policier qui était un peu réduit, on va dire, par rapport à d'autres manifs. On n'était pas en état de siège, on n'avait pas les blindés devant la préfecture comme le 14 septembre. Donc ça a permis une manifestation assez chouette, justement, puisque du coup on a eu beaucoup plus finalement de liberté de circulation dans la ville et on a pu défiler. Alors le cortège a été scindé à maintes reprises, chargé, gazé et très fortement gazé, même à plein de moments. Du coup, bon, ça n'a pas été très simple, hein, voilà, de défiler dans Nantes, mais quand même, on a pu défiler dans le centre-ville déjà. Rien que ça, et puis dans des rues aussi marchandes ou commerciales, on a pu voilà, défiler dans Bouffay, Place Royale, etc. quoi. Et du coup, ben, ça a été une manif assez longue où il y avait de la motivation, quoi. Les gens, on sentait qu'ils avaient de l'énergie, ils avaient la patate, ils avaient envie de faire des trucs et tout, donc ça chantait pas forcément de ouf, mais quand même. Et ouais, les gens, ils étaient motivés, quoi. Ils étaient motivés, puis plutôt, il y avait une... Moi, j'ai trouvé plutôt une relativement bonne coordination, quand même, dans le cortège. C'est-à-dire que à plein de moments, les gens de l'avant faisaient quand même attention de s'arrêter quand ils voyaient que ça suivait pas derrière. Les gens de derrière avaient des fois du mal à avancer parce que il y avait eu des gaz, ça faisait peur, machin, mais ils finissaient par quand même rejoindre le cortège, etc. Bon, je dis pas que ça s'est tenu du début à la fin, quoi. Forcément, quand il y a eu des gazages un peu violents ou des grenades, etc., bon, le cortège s'est amoindri, quoi, on va dire. Et je pense que voilà, après, bah, comme d'habitude, au bout de plusieurs heures, il n'y avait plus que quelques centaines de personnes. Mais j'ai envie de dire, il y avait quand même encore quelques centaines de personnes. Et c'était assez... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on était assez nombreux par rapport à d'autres manifs que j'ai pu connaître où ça se dispersait vite. Peut-être parce qu'on était plus nombreux aussi à partir en manif. Et du coup, c'était assez chouette pour ça. C'est que bah, moi, quand j'ai quitté la manif vers, je sais pas, peut-être 17h30, 18h, il y avait encore plusieurs centaines de personnes dans les rues, quoi. Donc on s'est fait beaucoup réprimer, ça c'est vrai. On a fait un premier tour, bon, avec quelques gazages au niveau de préfecture, quelques tags, etc. Mais arrivé à Bouffay, là il y a eu une charge un peu violente de la BAC, notamment parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient commencé à faire tomber les panneaux du McDo et tout. Et du coup, là, il y a eu une charge violente de la BAC avec des flashbolés des désencerclantes. Et du coup, les gens ont reculé d'un coup. Et en même temps, on a été vénères. Et du coup, ça a commencé à gueuler, en mode à gueuler contre les flics, à se rapprocher et tout ça. Et là, il y a eu une contre-charge sur la BAC. Les gens ont couru sur la BAC, qui a été obligée quand même de se replier. Et ça, c'était un moment très, très beau, quoi, au milieu du nuage de lacrymo. Alors bon, on n'a pas eu le temps d'avancer beaucoup sur la BAC. Bim, ça a été la pluie de désencerclantes et de flashball encore une fois. Donc voilà, il y a eu quelques blessés lors de cette manif, je pense, mais ça va encore. On n'a pas de blessés graves a priori à déplorer, plutôt des blessures superficielles. Voilà, du coup, ça va. Et au niveau des arrestations, a priori, seulement 4 arrestations. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'on a, réussi en fait à soit se maintenir en sécurité, soit on a eu aussi de la chance que le dispositif policier était amoindri et que du coup, ils ont fait moins d'arrestations. Alors c'est ça. Alors moi du coup j'y étais pas à cette manif. Moi ce que j'en ai entendu c'est que il n'y avait pas eu beaucoup d'interpels, que c'était une manif très chouette, que effectivement au début plutôt les keufs étaient amoindris par leur nombre, qu'il y avait à peu près en tout 150 keufs pour toute la manif et que du coup ils n'arrivaient pas à gérer. Alors que vers la fin de l'après-midi, vers les 15h30, 16h après, ils sont partis. Et une autre équipe qui est revenue avec beaucoup plus de renforts. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué après, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Vers la fin de l'après-midi, là, ils ont mis en place le dispositif. Il faut absolument les disperser et faire des arrestations. Mais apparemment, ça n'a pas tant marché que ça, puisqu'il n'y a eu que 4 interpellations déjà. Et puis parce que les gens apparemment ont tenu face à ce dispositif-là, ont même réussi à faire reculer les flics à des moments. Mais voilà, oui, non, c'était carrément chouette. Il y a eu beaucoup de tags, beaucoup de choses aussi qui ont été cassées. Enfin, quand je dis choses, voilà, d'objectifs ou de cibles qui ont été cassées, qui étaient très bien ciblées aussi. Pareil, du coup, je sais pas si vous voyez vers Duchessanne, il y a un espèce de parking là qui est un peu qui est payant et un peu en travaux et tout là. Du coup, ça a été défoncé. Défoncé quoi. Je crois que là il pourra plus être payant pendant un petit moment quoi. Et voilà, il y a eu voilà, plusieurs vitrines aussi qui ont été étoilées. Bon voilà, c'était quand même assez déter comme manif. Les gens avaient l'envie en fait de tenir face à la répression des keufs et que là ça faisait du bien et ça faisait plaisir de sentir toute cette force et qu'on se dit que vraiment je pense il y a plein de gens qui ont très envie de reprendre un mouvement fort. Et je pense que la date du 5, qui peut-être ne vous a pas échappé, qui est un appel à la grève générale, donc bon, lancé pas mal par les syndicats, tout ça, en réaction notamment à la réforme des retraites et du chômage, mais par rapport à toute la politique Macron finalement. Hein. Donc voilà, qui sera le 5 décembre. Et moi, il y a une copine à moi qui m'avait dit qu'elle y était justement à cette manif, et qui, elle m'a dit que d'habitude... Quand elle va en manif, c'est plutôt à reculons. Elle a un peu peur d'y aller, tout ça. Et là, ça lui a redonné toute la force, en fait. Ça lui a tout redonné direct. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'était chouette. Je pense que c'était vraiment une manif qui remotive, effectivement. Peut-être pour compléter, on peut dire que, du coup, il y a eu des mobilisations fortes dans plein d'autres villes en France. Bon, à Paris, c'était le gros dispositif policier. Hein. Pour le coup, ils n'avaient pas un effectif réduit, malheureusement. Et il y a eu, je crois, à peu près 130 gardes à vue, hein, quand même. Donc un peu plus d'arrestations et 130 gardes à vue. Et par contre, il y a eu des blessés graves à Paris, dont une nouvelle personne qui a été éborgnée par flashball. Donc voilà, tout notre soutien à cette personne et à tous les blessés... du mouvement social en général de toute façon et aussi deux journalistes indépendants je crois qui ont été grièvement blessés au visage à cause de glis donc pareil on en parle régulièrement mais voilà les glis F4 qui sont les grenades explosives qui contiennent de 25 grammes de TNT quand même et qui sont en gros les grenades les plus offensives on va dire dont disposent les forces de l'ordre aujourd'hui et qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement impressionnantes et qui font des dégâts incroyables, tout comme le LBD hein, qui aussi fait des dégâts incroyables, même si c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Et donc voilà, nous on n'a pas eu de glis à Nantes, en tout cas je crois pas qu'on en ait eu samedi dernier. On a eu de la désencerclante, on a eu du flashball, mais on n'a pas eu de glis F4, mais à Paris ils en ont eu, voilà. Donc, force et courage, pareil, aux gens blessés par la police, que ce soit à Paris ou ailleurs, ce week-end ou d'autres, à d'autres moments. Voilà. En tout cas, le mouvement GJ avait l'air d'annoncer plutôt une légère augmentation. Une augmentation du nombre de participants par rapport aux semaines passées, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'était l'anniversaire. Enfin, nous, à Nantes, clairement, on a vu ça, que voilà, ça a repris, entre guillemets, alors qu'il n'y avait plus trop de manifs, enfin c'était faible les manifs GJ ces derniers temps et là bim, hop, on redescend dans la rue. À Paris, nous samedi il y a une maison des peuples qui a été ouverte à Bagnolet, mais qui a été évacuée direct dimanche. Ok. Du coup c'est un peu badant mais c'est chouette d'avoir tenté. Carrément. Et puis, chez nous, à Nantes, je crois que la Maison du Peuple, elle passait en procès et je crois qu'elle est expulsable aussi dans pas longtemps. Enfin, vous pouvez vous tenir au courant sur leur Facebook, si vous voulez. Voilà, mais oui, et à Paris aussi, je crois, ils ont bloqué le périph pendant tout un moment. Bref, ils ont subi des grosses répressions aussi là-bas, mais ouais. Ça avait l'air assez chouette. Puis, ils ont détruit le monument en mémoire au maréchal Juin, qui était un héros de la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais qui a notamment voulu réhabiliter Pétain après la Seconde Guerre mondiale. Sympa le gars. Et je crois que c'est lui qui a dirigé les opérations en Italie, qui ont été bien bien dégueulasses. Enfin, je vous invite à vous renseigner sur le sujet où la population locale a un petit peu fait les frais de la reconquête par les alliés. Enfin, un peu comme partout, mais en Italie, ça a été particulièrement hardcore, apparemment. Quoi. Enfin, voilà. Merci pour l'info. Ça a bien fait pleurer dans les médias. Évidemment. Bon. Mais voilà, je pense qu'il y a eu quelques voitures de keuf retournées, quelques jolis tags ce week-end, voilà, des trucs un peu bien déter, quelques tentatives d'occupation, etc. dans plusieurs villes qui n'ont pas forcément beaucoup abouti. Mais voilà, en tout cas, ça fait du bien, ça donne envie et ça donne envie de préparer la suite. Voilà. Donc voilà pour la manif de l'acte 53 des JJ. Et puis on met un peu de musique et on va parler d'autre chose. La saison commence, le maître fait l'appel. Fin des vacances, retour au réel. Paris pour l'affrontement, soudés on fonce fièrement. Hiver, été, automne, printemps, rentrer des cases continuellement. Traquer, jamais on se rend, matraquer la gueule en sang. Rentrer des cases, eh ouais, on se venge, à coups de casque, à coups de planche. Des casques ouais dans le cartable, classe contre classe, on joue carte sur table. Bagarre au gaz et ça valait de larmes. Le quai dans la nasse menacé par leurs armes. Allez lance la grenade, t'étonne pas des mortiers. Tu vas prendre pour ton grade et puis pas qu'à moitié. La manif s'énerve à gorge déployée. Aucun street médic ne viendra te soigner. Tout le monde te déteste mais t'as bien entendu. Parce que tu oppresses et que tu t'es vendu. Rentrer des casques à l'école buissonnière. Derrière le masque une foule solidaire qui s'apprête à faire face aux violences policières. L'état tabasse on le laissera pas faire. Guerre de classe, dispositif, discipline. Disciplinaire, coercitif, des individus en action collective. Repeigne ta rupie, ce dont on les prive. Blocage des flux, la manif est sauvage. Le système tue, donc vive le sabotage. On a serré les dents, accumulé la rage. Sème le vent, tu récoltes de l'orage. Des chants de révolte résonnent à tes fenêtres. Maintenant tu regrettes que ça soit toi le maître. Et tu nous appelles pour la rentrée des classes. Mais nous on se ramène pour la rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casques. Et tu nous appelles pour la rentrée des classes. Mais nous on se ramène pour la rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casques. Paris pour l'affrontement. Paris pour l'affrontement. Paris pour l'affrontement. Paris pour l'affrontement. Le maître nous appelle pour la rentrée des classes. Mais nous on se ramène pour la rentrée des casses. Rentrée des casses. Rentrer des casses, rentrer des casses, rentrer des casses. Mange des gaz, ils mangent nos casques. Rentrer des casses, on mange du gaz, ils mangent nos casques. Rentrer des casques, on mange du gaz, ils mangent nos casques. Rentrer des casses, on mange du gaz, ils mangent nos casques. C'est l'automne, ça sent la partie de pêche en Sologne. Écoute, on entonne les chants des Black Blocs de Cologne. Daron, daronne, nos frais pour la rentrée des comcognes. Quand l'état claironne, qu'il avance sans entendre nos grognes. Si ça t'étonne quand le de ton résonne, si ça t'étonne que tes tétons frissonnent, c'est que les formes de lutte qu'on ambitionne. Péter les normes comme on peut te déconne. Rentrée des classes, tout le monde est déter. Ça tient jusqu'en mars, piège à Necker. Média de masse, dit trop de la demeure. Rentrée des casques, cortège et solidaire. Cacher sa face du champ de vue DGR. Car faux coup de grâce, ça arrête derrière. Planqué dans la nasse en monstre, reporter trop neuf. Et les Adidas du commissaire. Des prix de glace pour la classe ouvrière. Des prix des facéliens et ses ornières. La populace est révolutionnaire. Vos lois nous menacent, résistons puis pierre. Le maître nous appelle pour la rentrée des classes. Mais nous on se ramène pour la rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Et tu nous appelles pour la rentrée des classes. Mais nous on se ramène pour la rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Rentrée des casses, rentrée des casses. Paris pour la